Amis humains, bonjour. Critique des journaux télévisés par Ro. Écoutez. Aujourd'hui, l'information passe de plus en plus par le format télévisuel au détriment de la presse écrite qui a du mal à s'en sortir. Celle-ci doit s'adapter à son temps en proposant des articles gratuits sur leur site web par exemple. Malheureusement, ces nouveaux modèles ont des contreparties notables. La plus néfaste d'entre elles reste la publicité qui inonde nos écrans de télévision comme nos écrans d'ordinateur. Nous allons traiter aujourd'hui des chaînes d'information continue qui semblent s'imposer comme la principale source journalistique des Français aujourd'hui. Ces chaînes d'information non-stop doivent jouer sur le spectaculaire pour attirer le spectateur. En effet, il est de leur intérêt de présenter un événement romanesque en une, et ce dernier se doit d'être impressionnant, terrifiant et incroyable. Nous demandons du palpitant derrière notre écran et ils nous en fournissent, nous sommes en quelque sorte leurs clients. Nous ne payons peut-être pas pour visionner cette chaîne télévision, mais nous servons de marchandise entre deux JT pour les annonceurs publicitaires. Il est donc tout à fait dans l'intérêt de ces chaînes télévision d'information de trouver tous les jours un sujet spectaculaire qui sera traité comme un événement historique. En effet, le traitement de l'information est simple, on l'utilise comme marchandise, que ce soit un scandale, un fait divers, un acte terroriste, etc. Il sert de principal support au journal télévision, cela au détriment des événements moins impressionnants tels que des textes de loi, des événements politiques et économiques moins palpitants, la culture, les problèmes sociaux, les relations internationales n'impliquant pas la France, etc. Par-dessus cela, il faut rajouter des duplex de journalistes sur des lieux où il ne se passe parfois rien, un bandeau en bas de l'écran qui rappelle les informations chaudes et des pseudo-spécialistes pas toujours objectifs dans leurs propos. Ainsi, vous obtenez une dose de sensationnalisme suffisante et le moyen de parler de la même information de longues minutes durant sans rien y apporter au niveau du contenu, et ce jusqu'au prochain petit élément sensationnel rajouté au sujet traité par un quelconque intervenant. Vous recommencez le même procédé chaque jour afin de diffuser un contenu 24 heures sur 24 sans forcément que celui-ci soit intéressant du point de vue journalistique. Des médias qui ne sont pas au service du peuple. Par un simple exemple trouvé en à peine quelques minutes sur Internet, on peut également démontrer que ces mêmes médias sont dirigés par des hommes d'affaires recherchant sûrement en premier lieu le profit. Avant même d'étudier ce cas précis, je tiens simplement à dire que je n'attaque pas la personne contre qui je n'ai aucune animosité, mais bel et bien le statut qu'elle occupe. Prenons le cas de Damien Bernet, le directeur général adjoint du groupe NextRadioTV, une société qui détient les chaînes de télévision BFM TV, BFM Business, RMC Découverte, la numéro 23 ainsi que RMC Télévision, mais aussi les antennes radio RMC et BFM Business. Cette entreprise, puisque c'en est une, a engrangé 195 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Sur le profil LinkedIn de cet homme, nous constatons qu'il a travaillé par le passé pour les banques Rothschild et Deutsche Bank. C'est donc un homme d'affaires haut placé dans l'aristocratie financière. Nous pouvons affirmer que co-gérer le groupe NextRadioTV lui permet de tirer des revenus intéressants au détriment du but premier de tout média sérieux, le journalisme. Si vous n'êtes pas encore convaincu, sachez qu'il a étudié dans l'école HEC Paris, cette dernière propose une formation poussée de management et d'apprentissage de la finance. Ce n'est pas un hasard si parmi les 44 741 anciens élèves de cette école, 4862 travaillent dans la finance, 3844 dans la vente et 3550 dans le conseil d'entreprise. C'est donc sans aucun bagage journalistique qu'il co-gère une société plurimédia qui informe une bonne partie des Français chaque jour. Tout cela nous permet d'affirmer qu'il n'a rien à voir avec le journalisme, les médias et l'information, mais qu'il est lié au monde de la finance et qu'il a pour dessein le profit. Nous sommes donc bien loin d'une information populaire et objective qui nous permettrait d'être informés en tant que citoyennes et citoyens souverains de leur pays, tel que le veut notre idéal républicain et démocratique. J'affirme que l'information par la télévision à l'heure actuelle est impossible, elle est entrecoupée de publicités qui empêchent un traitement de l'information complet et est également soumise à des enjeux financiers trop importants. Cela m'amène à vous conseiller de vous tourner vers des journaux papier libres, c'est-à-dire qui ne sont pas soumis par les revenus de la publicité mais bel et bien celui des abonnements et des ventes en kiosque. Réagir, oui, mais comment ? N'oubliez que dans la société consumériste actuelle, notre seul pouvoir est de consommer ou non ce que l'on nous propose. Si comme moi vous n'êtes pas satisfait de l'information télévisuelle, je vous invite très simplement à boycotter la télévision. C'était un article de Raw. Une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.